Madame René Vivien, extrait de Nos femmes de lettres de Paul Flatt. Cette fois, c'est nous qui devrons sortir de nous-mêmes. Il nous faudra oublier nos habituelles façons de sentir et de penser, si nous voulons atteindre à reconstituer cette exceptionnelle personnalité de notre littérature féminine, Madame René Vivien. Je reviens chercher l'illusion des choses d'autrefois, afin de gémir en secret et d'ensevelir notre amour sous les roses blanches du regret. Cette pièce, intitulée Atys, qui célèbre la mélancolie d'un amour, pourrait servir d'épigraphe à l'œuvre de notre jeune poétesse, car elle traduit l'irréparable tristesse d'appétition vers un passé que le rêve seul est habile à revivre. De notre existence contemporaine, avec ses inquiétudes, ses tourments, ses angoisses, sa beauté aussi, car tout ce qui lutte a sa beauté propre, voici donc une jeune femme qui se refuse à rien connaître, parce que délibérément elle plaça son amour dans la contemplation d'un rêve. Le mépris ou la haine n'est jamais en nous que la contrepartie de l'amour. L'horreur du présent sera donc faite en elle de tous les regrets du passé. Doctrine qui pourra amener le sourire aux lèvres du philosophe, puisqu'elle s'insurge contre l'acceptation nécessaire, convient-elle pas merveilleusement au poète qui suit les impulsions de son tempérament, qui s'abandonne aux exigences de sa nature? Je ne sais rien des goûts, des habitudes, de tout ce qui constitue la personnalité effective de notre auteur, et d'ailleurs, conformément au principe d'une critique qui s'attache uniquement aux œuvres, je me suis interdit d'en rien rechercher. Pourtant, je l'imagine, je la restitue assez bien, et même, j'accepterais difficilement que des documents authentiques vinssent contredire l'idée que je m'en fais. Dans une demeure somptueuse, isolée autant que possible des grossiers contacts de la vie contemporaine, je me la représente cultivant avec amour les sensations les plus curieuses et les plus raffinées dont notre machine nerveuse est capable. Sensations de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, magnifique correspondance qui nous fut révélée par nos maîtres, Gautier, Baudelaire, j'allais en oublier d'autres, dont elle-même nous vante les surprises. L'art du toucher, complexe et curieux, égale le rêve des parfums, le miracle des sons. Tapis moelleux qui amortissent les pas, lourdes draperies qui se relèvent à volonté, s'abattent, assourdissant tout bruit autour d'elles, miroirs qui reflètent et prolongent la beauté, statues et peintures qui fixent le geste et l'immobilisent en son rythme le plus expressif. Ce sont là les images, quelques-unes du moins parmi celles qui dans ma pensée viennent s'ordonner harmonieusement autour du nom de Madame René Vivien. Si toutefois la réalité de la vie ne répondait pas pour elle au tableau que j'en fais, j'en demanderais pardon à notre auteur et j'ajouterais « Telle n'en fut pas moins la réalité de son rêve. » Or, pour le poète, ne le savons-nous pas? De l'une à l'autre, moins grande est la distance que de la coupe aux lèvres pour les autres mortels qui s'acharnent à la poursuite du bonheur. Pourtant, ne faut-il pas toujours rabattre de nos rêves? Ah, comme elle a dû en rabattre, celle qui, dans l'horreur du présent, poursuit les images du passé et tente de les fixer sous la forme harmonieuse du rythme. Du fond de la demeure solitaire où sa fantaisie sut grouper quelques témoignages de son culte, son regard intérieur pousse au-delà des objets qui lui rappellent un temps trop rapproché de nous. Statues, miroirs, tentures, tapis, qu'est-ce que tout cela? Vains et artificiels témoignages auprès du désir qui se représente la vie entière comme une harmonie, où chaque geste est expressif et contribue à la perfection du tout. S'être figuré l'idéal sous ce gracieux symbole, un groupe de vierges enlacées, esquissant un pas rythmique à l'ombre des lauriers roses, sous l'immortel azur du ciel hellénique, écouler ses jours sous l'affreux ciel parisien, eût-on pris soin par avance d'orner sa demeure de tous les objets propres à en faire oublier la noirceur, c'est quand même un rude contraste. Pour qui possède la faculté d'expression verbale, il ne reste plus qu'à fixer son rêve dans la forme impérieuse du rythme, unique compensation de qui ne peut se satisfaire des quotidiens spectacles que la vie lui présente. Douceur de mes chants, allons vers Mytilène. Voici que mon âme a repris son essor, nocturne et craintive ainsi qu'une phalène aux prunelles d'or. Allons vers l'accueil des vierges adorées. Nos yeux connaîtront les larmes des retours. Nous verrons enfin s'éloigner les contrées d'éternes amours. C'est l'invitation au voyage. C'est l'embarquement, non pour Cythère, mais pour Lesbos. comme si elle voulait nous montrer que, sous sa plume d'or, la prose française peut avoir des caresses et des douceurs d'accent égales à celles de la plus suave poésie. L'élève de Sappho décrit en prose rythmée le berceau de son héroïne. La terre, d'où jaillit une fleur sans pareille, est en vérité la patrie de la volupté et du désir, une île amoureuse que berce une mer sans reflux, au fond de laquelle s'empourprent les algues. Que de tendresse et de regret dans ces quelques lignes. Voici donc une âme qui vint à la lumière du jour 2000 ans trop tard. Jugez-en d'après ses soupirs. Que seront-ils pour l'héroïne elle-même? L'œuvre du divin poète fait songer à la victoire de Samothrace, ouvrant dans l'infini ses ailes mutilées. Comme elle s'allie profondément avec l'aube et le silence, ses paroles trempées dans le parfum des nuits mytiléniennes. Les étoiles autour de la belle lune voilent aussitôt leur clair visage lorsque, dans son plein, elle illumine la terre de sa lueur d'argent. En face de l'insondable nuit qui enveloppe cette mystérieuse beauté, nous ne pouvons que l'entrevoir, la deviner, à travers les strophes et les vers qui nous restent d'elle. Et nous n'y trouvons pas le moindre frisson tendre de ces vers pour un homme. Ses parfums, elle les a versés aux pieds délicats de ses amantes. Ses frémissements et ses pleurs, les vierges de Lesbos furent seules à les recevoir. N'a-t-elle point prononcé ces paroles si profondément imprégnées de ferveur et de souvenirs? Envers vous, belle, ma pensée n'est point changeante. Je vous le disais bien que notre prose française enferme une musicalité sans égale, qui ne le cède en rien à celle de la plus suave poésie, quand l'archet qui la fait vibrer frémit sur de certaines cordes. Pourtant j'y veux joindre encore ce fragment lyrique, digne à tous égards d'André Chénier. Ô parfum de Paphos, ô poète, ô prêtresse, apprends-nous le secret des divines douleurs, apprends-nous les soupirs, l'implacable caresse où pleure le plaisir, flétri parmi les fleurs. Ô langueur de Lesbos, charme de Mytilène, apprends-nous le vers d'or que ton râle étouffa. De ton harmonieuse haleine, inspire-nous, Psapha. On suit l'accent comme on voit l'idéal auquel il se subordonne. Un idéal qui délibérément repousse tout ce qui est de ce temps. Soutiendra-t-on qu'un tel art soit artificiel, artificiel étant synonyme d'insincère, c'est-à-dire conçu à froid, et ne répondant pas au mouvement spontané de l'être? Mon Dieu, non! Pas plus qu'un poème de cet André Chénier que nous citions tout à l'heure, pas plus qu'une aquarelle de Gustave Moreau, où ces âmes, mal satisfaites du présent, et qui avaient leurs raisons intérieures de l'être, célèbrent leur puissance de rêve et leurs regrets des temps disparus. Il est des esprits myopes, irrémédiablement, pour qui nulle sincérité n'existe, en dehors de la représentation des objets immédiats, conception basse et bien digne d'une époque qui subit le joug avilissant de 30 années de réalisme. Gardons-nous d'en partager l'illusion. Parce que telle nature répugne de façon invincible aux images que lui viennent proposer les spectacles de la vie contemporaine, allons-nous en conclure qu'elle ne saurait trouver l'éveil de sa sensibilité? Il suffit qu'elle découvre le point de contact entre cette sensibilité et son véritable objet. Quand, après avoir contemplé les merveilles naturelles de la baie de Naples, lesquelles, à vrai dire, ne se sont guère modifiées depuis l'heure où s'y développait une civilisation en tout contraire à la nôtre, nous venons nous recueillir dans la petite salle du musée qui enferme les fragments épars des fresques pompéiennes. Nous n'avons pas besoin d'un vif effort d'intuition sympathique pour ressusciter en vivantes images les groupes humains qui jadis les animaient. Il n'y faut qu'un peu de culture aidée d'une faculté d'abstraction qui, pour quelques instants, abolit le présent. Chez celle qu'inclinait déjà une prédisposition naturelle, les rives parfumées de Lesbos et l'enchantement des nuits mytiléniennes suscitèrent le décor incomparable où les strophes de Sappho, l'antique poétesse, mutilée sans doute, mais radieuse encore de vie comme un beau marbre antique, allait évoquer des groupements harmonieux. Léger de poids, mais lourd de substance, le petit volume de Sappho nous donne la mesure et la qualité de cette inspiration. Comme un précieux flacon qui longtemps enferma dans son cristal ciselé le plus capiteux des arômes, ces vers dégagent la senteur de l'idéal qui tout entier s'exprime par eux. Les lesbiens avaient l'attrait bizarre et un peu pervers des races mêlées. La chevelure de Psapha, où l'ombre avait effeuillé ses violettes, était imprégnée du parfum tenace de l'Orient. Ses poèmes sont asiatiques par la violence de la passion et grecs par la ciselure rare et le charme sobre de la strophe. Mélange subtil que nous goûtons au vers de Madame René Vivien. À vrai dire, je ne sais pas d'exemple plus saisissant de retour en arrière, ni qui montre mieux ce phénomène singulier, un écrivain de notre race, vivant parmi nous et que nous pouvons coudoyer, sautant à pieds joints par-dessus 2000 années de culture, pour nous faire respirer une âme tout imprégnée des senteurs de Lesbos. Les plus fameuses reconstitutions de la vie antique, depuis la Salammbô de Gustave Flaubert jusqu'à l'Aphrodite de M. Pierre Louys, en passant par la Thaïs de M. France, ne sont au prix de ces vers qu'artifices où le travail de l'érudit vient alourdir l'inspiration du poète. On y sent le coup de dictionnaire de l'archéologue, et tout justement cet effort qui est le contraire même de la vie. Rien de pareil chez l'auteur de Sappho. J'imagine qu'un long sommeil de 20 siècles ait appesanti ses membres, les ait maintenus dans cette sorte de léthargie qui se confond avec la mort, tout en laissant subsister la vie. À son réveil, elle n'eût pu restituer avec plus de fidélité les états antérieurs qui constituèrent sa première conscience. Je prononçais tout à l'heure le beau nom de Chénier. Je ne vois pas de meilleur exemple, en effet, ni qu'il soit plus frappant, d'assimilation de substance pour la transformer en poésie. De quel art incomparable elle sait se plier au modèle qui régla cette inspiration. Plasticité, dira-t-on. Et certes, j'y souscris, mais plasticité d'ordre unique est vraiment merveilleuse puisque, tout en épousant la forme de qui régla cette inspiration, elle fait passer dans une langue différente l'essentiel de celle-ci. Comme un musicien, docile au génie du maître qu'il admire, plie les mouvements de son rythme au thème initial dont il tirera ses variations. Ainsi notre jeune poétesse subordonne les accents de sa lyre à toutes les nuances que lui propose son modèle. J'en citerai un seul exemple, qui vaut pour le reste. Voici le thème ou fragment saphique. Et toi, ô Dica, saint de guirlande, ta chevelure aimable, tresse les tiges du fenouil de tes tendres mains. Car les vierges aux belles fleurs sont de beaucoup les premières dans la faveur des bienheureuses. Celles-ci se détournent des jeunes filles qui ne sont pas couronnées. Après le thème, écoutez maintenant la variation. Bas jusqu'au jardin clair où tu te reposes. Pars tes cheveux de verdure et de fleurs. Choisis les parfums, Dica, tresse les roses, mêle les couleurs. Et si tu veux plaire aux sereines déesses, entoure l'autel des souffles de l'été. Elles souriront ainsi que leur prêtresse à ta piété. Porte à l'Artémis les sombres violettes, à l'Aphrodite la pourpre des iris, à Perséphona, vierge aux lèvres muettes, la langueur des lys. C'est bien comme un tout, aux éléments indissociables, qu'il faut envisager cette conception de la vie que dans ses vers recrée Madame René Vivien, en y subordonnant les forces vives de son être. Et j'admire la souplesse du geste servant à recomposer l'attitude que tant de siècles nous avaient fait oublier. Geste qu'auparavant nous vîmes esquissé par d'autres, mais qui sentait son acteur et la préoccupation de tenir un rôle. Il est chez elle si spontané qu'il rejette délibérément dans le lointain la vie présente pour faire surgir au premier plan les images d'autrefois. Tel qu'un auteur comme Madame Noailles emprunte aux civilisations disparues certaines de ces images pour les situer dans un décor contemporain, Madame René Vivien ferait plus volontiers le contraire. Pourtant, il est telle pièce signée d'elle qui, par son caractère d'universalité, ne saurait s'inscrire sous aucune date. Veut-elle, par exemple, développer les variations qu'enferme ce thème immortel? La douleur de vieillir? Sans doute, on n'y trouvera pas les contractions d'un poète à l'inspiration toute moderne, comme Madame Lucie de la rue Mardru, qui prend ses images à portée de sa main et n'a nul souci du rythme antique. Seule la pureté de la forme nous rappellera chez Madame René Vivien les prédilections inhérentes à sa nature. Puisque telle est la loi lamentable et stupide, tu te flétriras un jour à un mont lys, et le déshonneur hideux de la ride marquera ton front de ce mot jadis. Tes pas oublieront le rythme de l'onde, ta chair sans désir, tes membres perclus, ne frémiront plus dans l'ardeur profonde, L'amour désenchanté ne te connaîtra plus. Si ces vers, d'une étrange perfection formelle, n'ont pas l'accent déchirant et contracté de tels autres, qui pareillement se lamentent sur la déchéance de la beauté, il n'en reste pas moins qu'ils associent, dans une imbrisable unité, la beauté au désir, et par conséquent affirment leur conception de l'amour. Mais c'est ici que nous touchons à la véritable originalité de Madame Renée Vivien, celle qui la différencie nettement de ses rivales littéraires. Quelles que puissent être, en effet, les divergences d'exécution qui sont liées à la diversité de leur tempérament, ces rivales s'accordent sur un point. L'amour est conçu dans leur œuvre comme une servitude, comme une domination, où l'élément viril exerce une sorte de mainmise dont l'unique contrepoids est la ruse, la duplicité, arme naturelle, moyen de défense que l'instinct du sexe disposa en leur faveur. Conception que symbolisa magnifiquement Alfred de Vigny, leur ancêtre, dans ce puissant raccourci, la colère de Samson. Les femmes de Madame de Noailles cèdent avec délices aux joues du mal sacré, tendre corps qui se penche et avance, tendu vers les mains des hommes. Le décor, toujours voulu, cherché avec un raffinement intentionnel, au milieu duquel elle nous les présente, n'est à vrai dire qu'une vaste alcôve, où nous les voyons tour à tour succomber en proclamant leur croyance, leur unique croyance à l'invincible pouvoir du Dieu qui les étreint. Les femmes de Madame Henri de Régnier y font plus de façon, peut-être. Elles ont un mouvement de révolte contre la force qui va les soumettre. Mais dans l'instant précis où nous percevons leur plainte, nous les sentons vaincues par avance et déjà tremblantes de leur défaite. C'est peu dire qu'elles acceptent. Tous leurs gestes s'humilient devant la loi de nature qui créa la hiérarchie des sexes en amour. Et cela, c'est proprement la conception moderne issue d'une culture où se rencontrèrent tant d'éléments divers empruntés aux littératures et aux religions, à laquelle vient s'opposer l'antique conception de l'élève de Sappho. De toute son énergie, nous la voyons qui rejette la servitude, car la grossièreté du désir répugne à ses sens délicats. Et le geste d'amour esquissé par une main virile implique des froissements qu'elle refuse d'accepter. Ce n'est pas seulement amour d'indépendance qui sent ce qu'elle va perdre en se remettant aux mains d'un autre, c'est encore raffinement d'esthétique qui repousse les exigences d'un maître. Tout aussi bien que notre monde moderne, le monde antique avait senti la valeur de la virginité, ce qu'elle maintient à l'âme de vigueur et d'énergie, en lui permettant de canaliser dans une même direction l'ensemble des forces qui sont latentes en elle. Seulement, n'ayant pas ce souci de moralité inséparable de la conception chrétienne, il n'en pouvait suivre les prolongements dans la conduite de la vie. En condensant son idée dans le mythe des Amazones, il lui avait imposé des limites où s'enferme strictement notre auteur. Elle ne veut voir dans la virginité que l'horreur de toute dépendance et la fierté de l'âme qui a refusé le joug. Leur regard de dégoût enveloppe les mâles engloutis sous les flots nocturnes du sommeil. Elles gardent une âme éclatante et sonore où le rêve s'émousse, où l'amour s'abolit, et ressentent, dans l'air affranchi de l'aurore, le mépris du baiser et le dédain du lit. Leur chasteté tragique et sans faiblesse abhorre les époux de hasard que leur rut avilit. Pourtant, les froideurs de la virginité s'accordent mal avec l'air embaumé que l'on respire sous le ciel hellénique, avec les enchantements des nuits mytiléniennes, et ce serait par trop méconnaître les gracieux enseignements de la poétesse Psapha que s'en tenir au seul exemple des Amazones. Dans les bosquets de Lesbos, je vois circuler des groupes entrelacés où l'œil ne discerne plus bien les intentions formelles de la nature quand elle créa la dualité des sexes. La conception de l'androgyne est le fruit de cette complaisance secrète. Et nous sentons pareillement de quel prix elle peut être aux yeux de notre auteur. De lui, nous répéterons ce que jadis nous disions du suave Luini, ce qu'il aima, ce qu'il traduisit aussi, comme on peut rendre cela seul à quoi l'on attache un prix infini, il paraît bien que ce furent là la grâce indécise et la beauté fuyante de cet âge où le jeune homme, encore à peine sorti de l'adolescence, entend les premiers appels de sa timide virilité. Il y a, dans ces strophes, tel visage au contour suave, telle ligne pliante du corps qui ne laisse aucun doute sur la vraie complaisance de l'artiste. Comment ces murs, ces mains gracieuses, De quelle douceur ardente et contenue elles esquissèrent le geste par où nous imaginons qu'elles furent infiniment sensibles à qui sut les élire. Nous le percevons à travers ces poèmes. Mais que peut valoir notre commentaire au prix des vers mêmes du poète célébrant le charme de l'androgyne? Ta royale jeunesse a la mélancolie du Nord, où le brouillard efface les couleurs. Tu mêles la discorde et le désir aux pleurs, grave comme Hamlet, pâle comme Ophélie. Souris, amante blonde, ou rêve, sombre amant, ton être double attire ainsi qu'un double aimant, et ta chair brûle avec l'ardeur froide d'un cierge. Mon cœur déconcerté se trouble quand je vois ton front pensif de prince et tes yeux bleus de vierge, tantôt l'un, tantôt l'autre, et les deux à la fois.